ki Richard Dingi na moni yango na biso lelo yo nani mi mokili nzoka makala mbae sinu luto na dio mayo sema ninga yo moli atanaye koya kome mayo sango sayo mboba nina ye mopepe ya ki ekwe isi banda kope ekwe isi banzete epe ki dim sima ya muatango moi mobibi nisasi popol mikoro na ye koko kwa na mite zala kami bale mosusu ya bolingo de celui qui l'écoute au contraire c'est la pesa qui au tala les loyautés qui m'a pour la vie d'assi à des cacaïs si ma kenne que toi mi bon ma soma comme on a maquilla et à moto embarras de Saint-Ouen trahis ton voisin et ne consulte personne le grand prof Franck Mami IMP le président Souleymane Samba Micho Koto viens naïe koko pwana mi tchèz à la kami balé mosusu ya bolingo, mosusu ya lekobo elemena Solange ya maya mateur ne vie qu'au dépend de celui qui l'écoute c'est l'incana c'est la pesa qui au tala lelo yo tekinga beti bokonye si ya teka kayezu si ma kenye ke komi bo masoma komo na makila ya moto vous êtes prêts? Ouais! Allez, let's go! Ma Feli de Bruxelles na mokili soki yo beti bako et Fata Costa pesa yo na roboti ndumi tala ndenge okominga mama zoe jipe chaeka tala ndenge okominga jano mutombo mama ayebisanga boye pafe kudi mama alubela nono mula ndeboyo yebana nibo papanda na ye jile dikando kokumela mokili na mamute eto na makambo zalaka Pesa yo na